conditions sur www.e.leclerc. Vendredi, il y a du soleil en promo chez Leclerc. Belle matinée sur RTL. Philippe, client Netatmo. Savoir ce que les gens font sur les réseaux sociaux, très peu pour moi. Mais savoir ce qui se passe chez moi quand je n'y suis pas, plutôt deux fois qu'une. Avec mes caméras Netatmo, présence pour l'extérieur et welcome pour l'intérieur, j'ai un œil sur ma maison depuis mon smartphone. Je sais que le voisin est passé arroser mes plantes ou que les enfants sont bien rentrés de l'école. Le cambrioleur ? Je l'attends de pied ferme. Comme Philippe, choisissez Netatmo, des solutions intelligentes pour protéger votre maison. Jusqu'au 30 septembre, tentez de gagner le remboursement de votre caméra Netatmo. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. Merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter. On va essayer d'être à peu près à l'heure avec notre camarade Julien Courbet. Et j'ai le plaisir d'annoncer, cher Julien, que vous êtes à Marseille dimanche soir. Hein, c'est au Palais Longchamp et que le spectacle sera gratuit. Effectivement. Donc si vous payez votre billet d'avion, ça compensera le ticket. Donc vous pouvez venir me voir dimanche soir au Palais Longchamp, effectivement. Comment ça va ? Ben, ça va et bien. Et le père Fouras, alors ? Est-ce qu'on en sait plus ? Parce que là, vous nous avez un petit peu appâté. Un peu aguiché. On se demande s'il n'y a pas eu des gestes, enfin des trucs un peu déplaisants. On se demande même si entre le père Fouras et Isabelle Moridimosque, on ne sait pas s'il s'est passé des choses ou pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle vient de vous répondre, il l'a enfermée. Dans une cabine téléphonique, donc du coup, j'ai très vite perdu le fil. Pour lui, c'est un loft. Oui, bien sûr. Bon, allez, on va passer à autre chose, si vous le voulez bien. Elle est trop forte. C'est drôle. Bon, allez, vous faites baigner, mais pour lui, c'est extraordinaire. Mais merci beaucoup. Bonne journée et vraiment bon week-end. Hein. Bonne émission Ça me fait plaisir. Nous allons démarrer, si vous le voulez bien maintenant, avec l'émission que nous avons à régler. Ce matin en direct, c'est parti. Je vous appelle de l'Ardèche. J'ai réglé 2500 euros à un expert qui devait m'établir un rapport avec évaluation de dommages sous 3 mois. Il n'a rien fait, je ne sois rien, je n'ai pas de nouvelles de lui malgré mes relances. Nous allons nous en occuper en direct sur RTL. Deuxième mission, celle de Yann. Je vous appelle d'Yvelines. J'ai acheté un terrain communal et voilà que j'ai dû payer la somme de 1060 euros de consommation d'eau. J'aurais consommé 260 000 litres d'eau en une semaine sur un terrain vide. On m'a fait payer la consommation de toute la commune. Et pour régler tous ces problèmes, la Dream Team est là puisque Blanche de Grandvilliers, l'avocate au barreau de Paris, est là. Bonjour Blanche. Bonjour Julien, bonjour à tous. Refait l'honneur, la Divina est là. Hervé Pouchol pour négocier. Bonjour Julien. C'est Céline qui est au standard. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission la plus écoutée de France entre 9h30 et 11h sur votre radio préférée. Merci d'être avec nous sur RTL. Pour nous joindre, c'est le 3210. Pour nous joindre, c'est le Facebook, la page. Ça peut vous arriver. Si tu te fais arnaquer, pas la peine de paniquer. Faut appeler Julien Courbet. Dernier jour pour la section ES, hein, pour le bac. Il y en a un de plus, je crois, pour les S à partir de lundi. Hier, ma fille a rendu sa copie et l'examinateur, enfin pas l'examinateur, oui, celui qui surveille. Et là, il regarde les noms quand les copies sont déposées. Il lui fait un Courbet. Comme le peintre. Alors il lui fait non, pas comme le peintre. Il lui fait bon, c'est pas grave. Tant que c'est pas comme l'autre con là. Elle lui dit si, c'est lui. Ah oui, mais on doit pas parler du même. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est pas démonté. Si, c'est lui, monsieur. Vous avez bien mis le doigt sur. Bon, alors nous allons donc attaquer, si vous le voulez bien, avec le cas de Franck qui est en ligne avec nous. Franck, bonjour. Oui, bonjour. Et merci de nous avoir appelé à une prochaine fois, Franck. Prenons un autre auditeur maintenant. Ça va, Franck? Oui, très bien, merci. Franck, il ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Qu'est-ce qui se passe, Franck? C'est à vous maintenant. RTL, votre radio est là pour vous aider. Nous vous écoutons. Voilà, bah écoutez, j'ai engagé un expert d'assuré sur les conseils d'une association de gens sinistrés par la sécheresse. Ceci afin de débloquer une situation de litige avec l'entreprise mandatée par mon assurance qui a effectué les travaux de consolidation de ma maison. Voilà, il se trouve que cet expert n'a absolument rien fait. Aucune expertise, aucun rapport d'évaluation. Voilà. Alors, aujourd'hui, je souhaiterais qu'il me restitue une partie de la somme versée. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, qui est sur ce coup ? Là, c'est vous, Blanche de Grandvilliers. Tant mieux, parce que j'avais peur. Quand on tombe sur Mathieu Lono, je me suis dit, le pauvre Franck, il aura appelé pour rien, dis donc. Non, je plaisante, ma Nathalie. Vous savez que je vous aime beaucoup. Non, mais Blanche, expliquez-nous. Il a demandé une expertise, il a payé pour ça, et il n'y a rien, il n'y a pas de rapport, il n'y a rien du tout. Et non, c'est une première, ça. Eh bien, non seulement il n'y a pas de rapport, mais le professionnel s'est lui-même engagé à faire un rapport dans le délai de 3 mois. Le délai de 3 mois est dépassé depuis plus d'un mois. Il a été mis en demeure et il n'a strictement rien fait. Donc, ce qu'il veut, c'est le remboursement d'une partie des 2500 euros versés pour non-respect du contrat. Il souhaite un remboursement à hauteur de 70%, ce qui me paraît logique. logique. Oui, ça paraît logique, puisque le professionnel pardon, est quand même venu à une ou deux réunions, mais il n'a pas fait le rapport, ce pourquoi il était payé. Permettez-moi de vous poser la question, Franck, c'est la question traditionnelle. Je suppose que vous les avez appelés, que vous disent-ils ? Ah ben écoutez, l'expert, la dernière fois qu'on l'a eu au téléphone, ça remonte au mois de mai. Et si vous voulez, ça s'est très mal passé, puisqu'il a dit qu'il ne voulait plus s'engager avec nous et qu'il ne bougerait plus. Alors, mais est-ce qu'il a une raison ? Est-ce qu'il vous dit, monsieur, je ne sais, je vous dis n'importe quoi, vous m'avez mal parlé quand je suis venu, monsieur X, monsieur Y, ce que vous voulez, c'est pour ça que ça bloque, ou il n'y a aucune raison ? Non, il n'y a aucune raison, bon. C'est parce qu'il se rend compte qu'il n'a rien fait et qu'il n'a aucun argument pour se défendre. Maître Féloneau. Oui, moi, très franchement, je trouve que Franck est super sympa avec ce monsieur parce qu'il demande un remboursement partiel. Or, il paye pour un rapport. Le rapport, il ne l'a pas. Donc déjà, c'est l'argument qui justifie un remboursement de 100%. Et en plus, Franck, vous avez un vrai préjudice parce que c'est lié à des malfaçons de travaux, de consolidation de sa maison. Donc, il est toujours avec la même épine dans le pied et il l'aura tant qu'il n'aura pas de rapport d'expertise. Donc, non, moi, je suis désolée, ce monsieur, il doit rembourser 100%. C'est parti. Allez, s'il vous plaît, Céline. Apparemment, Sylvain Baron est en ligne avec moi, me dit-on. Allô, Sylvain ? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour, comment allez-vous ? Quel est votre avis sur ce dossier, Sylvain ? Je trouve que dans le cas de Franck et en qualité d'expert, je trouve que la méthode utilisée par le cabinet d'expertise est particulière. Je rappelle qu'un expert en bâtiment, et je parle sous le contrôle de Maître Féloneau et Maître de Grandvilliers, est lié à une obligation de moyens. Donc, c'est l'article 1137 du Code civil. Donc, apparemment, il n'a pas fait son boulot, quoi. Bon. Alors, restez avec nous. C'est parti. On lance l'appel tout de suite. Nous allons voir comment nous allons être reçus. Nous partons du côté de Rouen. Il y a forcément une explication. Je ne peux pas croire que comme ça, on prenne de l'argent et on décide de ne plus venir. Parce que si c'est le cas, et si on peut le faire, inutile de vous dire que je change de métier. Lundi, je ne suis plus sur l'antenne. Moi aussi. Je suis expert en tout. Vous me demandez une expertise. Je vous dis, OK, je prends un acompte. Je passe à autre chose. Allô? Altexpertise? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous êtes monsieur Souillard à tout hasard? Tout à fait, monsieur. C'est formidable. Même. Je suis Julien Courbet, monsieur. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Monsieur Souillard, rien de grave. Je suis avec Franck. Allô ? Oui, j'étais en train de vous expliquer. Je suis avec Franck. On prononce Duf. Duf, c'est votre nom, c'est Franck ? Oui, Dufaise. Voilà, monsieur Franck Dufaise, qui vous a commandé une expertise. Il nous dit qu'il n'a jamais rien eu. Et pas de nouvelles, pas de rapport, rien du tout. Il vous a payé 2 500 €. Est-ce que vous voyez de qui il s'agit ? Oui, tout à fait, monsieur. Oui, alors, tout à fait. Alors, il dit qu'il n'a pas de nouvelles, donc il est en ligne, il écoute. Il m'a vu trois fois, on est en expertise contradictoire. J'attends, si vous voulez, le résultat, comme il le sait, de la Maif, hein, qui est sous peu, parce qu'on attend la réponse sous peu de l'inspecteur, comme il le sait, hein, sur ce qui a été convenu lors de l'expertise contradictoire avec l'expert de la Maif. Oui. Hein, l'entreprise Soltechnique, hein, et moi-même. Hein. Donc, et ça date de quand l'expertise ? Oh, il y a. Alors, vous me posez une colle, je suis en expertise tout de suite. Il y a un petit mois. Hein. Donc, moi, j'ai relancé, si vous voulez, l'entreprise. Il faut savoir qu'au mois de mai, comme vous le savez, il y a des ponts. Et malheureusement. Attendez, mais le sinistre, il a eu lieu en 2011, je crois. Quand a eu lieu l'expertise, moi, Franck ? Alors là, moi, je suis intervenu il y a quelques semaines. Hein. Alors, on va laisser parler. Franck, allez-y. Voilà. Ben écoutez, moi j'ai engagé Monsieur Souillard parce que il se trouve que j'étais bloqué, notre situation était bloquée, et il se trouve qu'il a absolument rien fait quoi. Il s'est dépassé deux fois sur notre chantier, mais moi ce que j'attendais c'est que. Je vous écoute, mais je vais vous dire un petit peu. Oui, non mais vous n'avez pas. On vous a envoyé une lettre à recommander, vous n'avez pas répondu. On a obtenu. On n'a rien obtenu, Monsieur Souillard. Ah ben, on est dans la situation actuelle. Notre situation n'a pas changé. Nous sommes toujours. Ne parlons pas pour ne rien dire. On va essayer de voir avec. Oui. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on sorte de là, les deux. Il n'y a pas un méchant, un gentil. Voilà, c'est la seule chose qui nous intéresse. Alors, ce qu'il faut dire, l'inspecteur Maïf, oui. Non, Franck, oui. Arrête, si vous lui coupez la parole en permanence, oui. Ça va être non mais comme ça, et au bout du compte, on aura fini par des E. À la fin de l'émission, on ne saura pas ce qu'il faut faire. Moi, je veux avancer. Je veux pas dire que quelqu'un est gentil ou quelqu'un est méchant. Oui, mais Franck, si vous ne laissez pas m'expliquer pourquoi ça freine, je ne pourrai pas appuyer sur le bouton qui me permettra d'accélérer. Ça sert à rien de dire il a rien fait. Vous pourrez le répéter 10 000 fois. Oui. Il sera 11 h, oui. Ça sera l'émission de Stéphane Bern, et il n'y aura plus rien pour vous. Donc, il va me dire quel est son problème. Je vais essayer de voir si je peux l'aider, et en l'aidant, je vais vous aider. passer. Alors, est-ce que quelqu'un peut récupérer, s'il vous plaît, Blanche, monsieur Souillard au téléphone? Ils nous disent ce qu'ils bloquent et comme ça, on essaie d'appeler pour que tout le monde soit heureux. Et on va passer tous un bon week-end, vous allez le voir. En plus, la France a gagné, c'est formidable. Partagez toutes les émotions du foot avec Géant Casino. Entrez dans le match en écoutant les indices pour trouver votre Géant Casino et le mot de passe correspondant. Le premier à le donner à l'hôtesse RTL qui se trouve sur le parking du Géant remportera 500 euros en carte cadeau. Venez aussi défier Madame Indestructible au tir au but. Le meilleur buteur remportera une Skoda Fabia, oui ! Conditions sur géantcasino.fr. Les prix bas, c'est Géant. Belle matinée sur RTL. Tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalité en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron, je suis chez Lidl là. Dis quoi encore? T'as pas la pêche? Eh ben c'est ça, par contre ici ils ont la nectarine. Oh, je dois rigoler peut-être là. Ah non, désolé, mais quand aujourd'hui et demain ils nous font la barquette d'un kilo de nectarine origine France à 1,69€, eh ben le moral en prend un coup patron. 1,69€ la barquette d'un kilo de nectarine? Mais c'est pas vrai hein. Ah mais si patron hein. Ah on est mal hein, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 56-61, cher jaune ou blanche selon magasin, origine France. Mercedes-Benz. Alors pour la croisière, nous allons prendre la formule grand confort tout inclus. Très bien. Dans ce cas, vous aurez droit à l'accès illimité à la piscine, au sauna, à MAM, soins à volonté. Et ça inclut les 3 ans de garantie et les 2 entretiens offerts. Pardon ? Tout le monde ne peut pas en faire autant que Mercedes. Du 15 au 30 juin, pendant les journées étoilées, profitez de 3 ans de garantie et 2 entretiens offerts sur toutes les occasions 1000 étoiles. 1000 étoiles, les occasions du réseau Mercedes-Benz. Offre soumise à condition. Détails sur mercedes-benz.fr. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Nous revenons donc sur le cas de Franck. Franck, grosso modo, a mandaté une expertise pour pouvoir faire des travaux et nous dit « Je n'ai pas beaucoup de retour de cette expertise », sachant quand même qu'il y avait un délai de 3 mois pour rendre le rapport. Exactement, et le délai expirait le 27 mai 2018. L'expert au téléphone nous explique qu'il a commencé son travail, qu'il est en attente d'un rapport de la MAIF qui doit chiffrer les travaux qui vont être faits au bénéfice de Franck. Il y a eu les ponts, il a été retardé. La difficulté, c'est que il n'a pas mis ça par écrit en expliquant les raisons pour lesquelles il n'avait pas déposé son rapport dans les délais. Mais selon lui, le travail est en cours. Oui, mais enfin, il est en cours s'il y a une date. Moi, je ne suis pas là, encore une fois, je n'ai aucun intérêt ni pour Franck ni pour ce monsieur. Mais si Franck s'est adressé à eux parce qu'il y a un délai de 3 mois, que ce délai de 3 mois n'a pas été respecté, est-ce qu'on est bien d'accord, monsieur Souillard, qu'il y a un délai de 3 mois pour rendre le rapport? Enfin, c'est un délai, si vous voulez, indicatif. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire, indicatif? Si on tombe au mois de mai, ou pendant les vacances, vous comprenez qu'on n'est pas dans un mois normal. Alors, d'accord. Alors, donc il faut un petit peu de tolérance. Vous avez quand est-ce que vous pensez, donnez-nous une date, quand est-ce que vous pouvez rendre le rapport? Le plus tôt possible, j'allais vous répondre. Si j'ai le festif, alors pour tout vous dire, enfin, monsieur, je vais m'empresser oui, de téléphoner à l'entreprise et à la MAIF cet après-midi, hein, pour exiger qu'ils me donnent leur coup de part. Ceci étant dit, monsieur, quand vous dites indicatif, je lis, hein, je me fais un peu l'avocat du diable, comprenez-moi. La mission du cabinet Altaïs, 2 points, évaluation des dommages directs et indirects liés au sinistre, par une société spécialisée, sera remis, le rapport sera remis dans un délai maximum de 3 mois de la signature du contrat. C'est pas indicatif, c'est un contrat et vous avez 3 mois pour le rendre. Voilà. Maximum. On est d'accord, oui, maximum. Si vous voulez, c'est vrai que parfois on dépasse un petit peu, pour leur dire... l'assureur et l'entreprise vont d'accord, alors maintenant, écoutez, je n'ai pas la cote-part. Aujourd'hui, lui, soit vous lui donnez une date, soit il arrête. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez exactement, Franck ? Écoutez, on l'a engagé, ce monsieur, M. Souillard, le Franck, 17 ne février, faites pas de longues phrases et ne me ressortez pas les dates d'engagement, peu importe quand vous l'avez engagé. Est-ce que vous voulez qu'il aille... Écoutez-moi, Franck. Est-ce que vous voulez qu'il aille très vite et qu'il essaie d'avoir le rapport là, dans les semaines qui viennent, très rapidement, ou est-ce que vous souhaitez arrêter ? Non, il ne sert à rien ce rapport. Ça fait des mois qu'on attend que la situation est bloquée. Alors, est-ce que j'aurais monsieur, il ne m'a pas nommé depuis 2 ans, hein, quand même. Son sinistre date depuis des années. Moi, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça ne sert à rien, vous ne l'avez pas vu le rapport. Est-ce que vous voulez qu'il vous donne ce rapport avec un peu de retard ou est-ce que vous voulez arrêter? Oui. Monsieur, mais l'entreprise. Ce rapport, moi, il ne servira à rien maintenant. S'il vous plaît, si je peux parler 2 minutes, je vous écoute, mais je peux parler 2 minutes. L'entreprise, que j'ai citée tout à l'heure, je peux vous dire, et l'assureur, font tout pour solutionner le plus tôt possible. Mais c'est des mois, monsieur. Donc, on est avec des intervenants, oui, mais, un assureur de qualité, alors, une entreprise de qualité, qui fait tout. Un mot de Maître Fellonneau. Oui, monsieur Souillard, excusez-moi. Ce sinistre. Monsieur Souillard, s'il vous plaît. Monsieur Souillard, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'écouter, Maître Fellonneau? Je ne suis pas l'avocat de votre client, je tiens à le rappeler. Mais vous avez été embauché pour une chose. Ce sinistre remonte à 2011, c'était pour faire avancer le dossier, parce que, face, ça traîne. Et finalement, monsieur, en 3 mois, il n'y a rien eu de votre part de tangible. Donc, comprenez l'exaspération de votre client. Maintenant, c'est simple. Ou si vous êtes au bord de déposer votre bilan et vous lui dites, votre rapport, vous dites, mais si, je sers à quelque chose, ou c'est non, et à ce moment-là, il faut arrêter. Mais alors, donc, maître, si vous savez, je pense que vous avez les bilans d'Altaïs qui sont sur Internet, on est loin de déposer le bilan, au contraire, bien au contraire. Non, mais je n'ai pas dit déposer le bilan, j'ai déposé le rapport, monsieur, on reste. Vous avez dit le bilan. Madame. Maître, vous venez de dire le bilan, ça m'a pas. Oui, elle s'est trompée, elle vient de s'excuser, ok. Voilà, on est d'accord. Ma langue est touchée, pardon. Moi, je vais, alors, je m'engage, voilà, il y a des témoins, je m'engage à vous déposer le rapport début de semaine prochaine, ça vous convient? Alors, malheureusement, je n'aurai peut-être pas le titus des deux entreprises. Mais on va les appeler. On va les appeler. Ne vous inquiétez pas. Un mot de Sylvain Baron, qui est expert, l'expert de l'émission. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-nous. J'essaie de faire parler un peu tout le monde pour qu'on comprenne bien. Vous allez me donner le nom des sociétés qui bloquent pour l'instant. Je vais les appeler pour qu'elles me donnent tout ça lundi. Et on va voir si Franck d'abord est ok pour continuer. Sylvain Baron, vous êtes. Monsieur, s'il vous plaît, soyez sympa. Mais oui, ils sont tout bien, ils sont formidables. Tout le monde est exceptionnel dans ce dossier, mais le rapport n'a toujours pas été donné à bout de 3 mois. Donc heureusement qu'ils sont exceptionnels, parce que s'ils ne l'étaient pas, on l'aurait dans 10 ans. Monsieur, ne parlons pas pour ne rien dire. Il fallait 3 mois pour donner le délai, il n'y est pas, peu importe, je ne vous accable pas, je vous dis juste, essayons de trouver des solutions. Sylvain Baron, dans une seconde, Franck, Sylvain Baron. Sylvain Baron, au parloir. De mon point de vue, je pense que M. Souillard n'a pas fait son travail. Parce qu'en fait, un expert, quand il sort de réunion, il produit un rapport. Même si dedans, il y a des manques, même si on n'a pas répondu à toutes les questions, il pose l'état du global du chantier et les questions sur lesquelles il est en attente. Or là, il n'y a rien du tout, donc c'est pas normal. On sort d'un chantier, on fait un rapport. Alors on le fait dans les 10 jours, dans les 15 jours ou dans les 3 semaines, peu importe, mais on sort un document pour dire à son client, voilà l'état de la réunion d'expertise en contradictoire et voilà les pièces que j'appelle. Alors, ça, Franck, c'est du boulot. Maintenant, que voulez-vous faire, s'il vous plaît, répondez clairement. Pour la quatrième fois, oui, monsieur. Monsieur, si vous dites, est-ce que je peux le répondre jusqu'à 11h, à 11h, vous ne pourrez pas répondre. Donc je vous dis oui, vous pouvez répondre. Je vous réponds. Mais vous ne le faites pas, en fait. Solutionner le problème. Donc tant que je n'ai pas de certitude, je ne fais pas de rapport par principe. Quand j'ai une certitude, je dis voilà. C'est bien de dire voilà les problèmes. Ils le savent, les clients, les problèmes. Par contre, ce que je veux, moi, c'est faire un rapport, dire voilà les solutions. Pour l'instant, il me manque un élément. Voilà. Ok, j'ai bien compris. D'accord. Alors, dans ces cas-là, ne marquez pas sur les contrats qu'il faut 3 mois. Dites en fonction du temps dans lequel on me donnera les documents. Que souhaitez-vous maintenant, Franck? Je ne pose une question. C'est pas la loi. La loi, monsieur, c'est le contrat. Il est marqué clairement sur votre contrat que vous donnez un délai maximum. Vous marquez maximum de 3 mois. Le délai est passé, donc on peut en discuter pendant des heures, mais c'est pas moi qui ai fait le contrat. Il y a marqué maximum, monsieur. Que voulez-vous dire, Franck, s'il vous plaît? On va donner la parole à Franck, s'il vous plaît. Alors, Franck, monsieur, Franck, vous me dites maintenant clairement ce que vous souhaitez, s'il vous plaît, que je puisse aller boire un verre d'eau et prendre un café. Allez-y. Ben écoutez, la dernière fois qu'on a eu M. Souillard au téléphone, c'était le 23 mai. Vous insistez là-dessus, je ne sais pas la question. À chaque fois que je vous pose une question, vous me dites c'est le 23 mai. Alors, que voulez-vous ce matin? Ce que je souhaite, c'est ce qu'il nous rembourse, une partie de la somme qu'on a engagée. Et arrêtez tout. Eh bien, écoutez, oui, j'ai plus besoin de vous. Mais vous dites pas de souci. Alors, vous allez expliquer ça en rantaine, s'il vous plaît, à ce monsieur de Altaïs Expertise. On revient et on voit si ça va au tribunal, puisqu'il ne veut pas, ou s'il trouve un accord tous les deux. Je souhaite de tout cœur que le trouve un accord. On va se retrouver dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Eh bien, dis donc, ce petit rapport d'expertise, il m'a fait ma matinée. Je viens de purger 80% de mon énergie de la journée. Ce qui veut dire que tous les rendez-vous que j'ai derrière jusqu'à 19h, les gars, je tiens à vous le dire, c'est un mollusque que vous aurez en face de vous. Vous êtes sur RTL. Est-ce que je peux parler ? Pour EOVI MCD Mutuelle, je ne suis pas une senior, je suis Patricia. Moi, la retraite, je la vois comme une nouvelle vie, l'occasion de partir en week-end avec mes copines. C'est pour cela que Patricia a choisi EOVI MCD Santé Vitalité, la complémentaire santé qui inclut l'aide aux aidants. Elle a pu être conseillée et accompagnée pour mettre en place un relais de qualité pendant son absence. EOVI MCD Mutuelle, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVI MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur eovi-mcd.fr. Leclerc. Chérie, en ce moment chez l'auto Leclerc, il y a une promo sur l'achat et la pose de pneus Goodyear, Hankook ou Lofen. Oui, et donc ? Bah, à la veille des départs en vacances, mieux vaut faire changer ses pneus usés maintenant plutôt que sur le bas-côté. Ah bah carrément. Du 19 juin au 14 juillet dans les centres l'auto Leclerc, pour l'achat et la pose complète de 2 pneus Goodyear, Hankook ou Lofen, bénéficiez de 15 euros de réduction immédiate ou 40 euros pour 4 pneus. Voir modalités dans les magasins participants, offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voilà, on a des beaux pneus neufs, 2 grandes marques et un prix Leclerc. Et il est content. Parfaitement. Et si vous viviez plus intensément les matchs des Bleus ? Moi, avec Orange, j'ai la Livebox. On va pouvoir suivre les matchs des Bleus comme jamais. Pareil. Mais moi, en plus, avec Orange, dans mon studio, les matchs sont en haute définition. Canapé ergonomique ? Pareil. Frigo dans les accoudoirs ? Pareil. Ouais, mais moi, je veux juste les regarder avec toi. Pareil. Ah. Ne ratez rien des matchs des Bleus avec la Livebox Zen à seulement 19,99€ par mois pendant 12 mois, puis 36,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avec engagement 12 mois et selon éligibilité. 17€ par mois remboursé avec changement d'opérateur après le 17 mars. Détails sur odr.orange.fr. Lollapalooza, le mythique festival américain, revient à Paris samedi 21 et dimanche 22 juillet 2018. 2 jours, 4 scènes et 50 artistes. Depeche Mode, Gorillaz, The Killers, Nekfeu, Rag & Bone Man, Portugal de Man, Noel Gallagher's High Flying Birds. Info et réservations, point de vente habituel et livenation.fr. Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Je vous traduis. Aujourd'hui, le kilo de cerises Origine France est à 3,99€. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à samedi, dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 26+, catégorie 1. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Que je peux parler à Hervé Pouchol. Vous avez donc continué à discuter, Hervé, avec d'un côté Franck qui nous dit « J'ai payé pour un rapport. J'ai payé pour un contrat où il est... » indiqué, stipulé qu'il y a un délai maximum de 3 mois pour avoir son rapport. Or, depuis, n'ayant pas de nouvelles, j'ai dû avancer, donc maintenant ce rapport ne me sert plus à rien. Néanmoins, il y a les arguments également d'Altaïs Expertise qui dit « Moi, je suis tributaire de tous ceux qui doivent m'aider à faire ce rapport. Il y a eu des ponts, il y a eu du retard, donc malheureusement, je n'ai pas pu lui donner en temps et en heure. » Où en est-on, s'il vous plaît, Hervé Pouchol ? Eh bien, Bruno Souillard, qui est expert, est une personne intelligente. Il a une proposition à vous faire. Vous pouvez l'écouter. Monsieur Souillard, je vous écoute et je vous remercie de nous parler parce que ce n'est pas le cas tous les jours et vous, vous le faites. Et ça, c'est bien. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas forcément d'accord que j'ai plus raison que vous. Pas du tout. On ouvre un débat et vous donnez vos arguments. Je vous écoute. Oui, alors donc, je vais rembourser ce monsieur. Hein, déduction faite de mes 2 déplacements kilométriques. Voilà, écoutez, ça me paraît très très bien. Je suis vraiment navré alors, qu'on en arrive là, vraiment. J'ai un barème sous les yeux, hein, donc je vais faire les choses très précisément hein, pour éviter tout souci. Bien sûr. Donc je vais rembourser ce monsieur et je vais déduire simplement mes déplacements. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord, Franck ? Il m'y engage. C'est tout à fait légitime, c'est logique. Ok, Franck, ça va. Je pense que Franck, voilà. Il faut vraiment qu'on apprenne tous ensemble à voir ce qu'on appelle la positive attitude. Ça y est, on a réussi. Exactement, ce monsieur va vous rendre. Oui. Donc passez à autre chose, Franck. J'ai quand même un mot à dire. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, ce qui est dommage, parce que l'entreprise et et l'assureur sont vraiment ont été dedans collaborateurs. Malheureusement, les ponts ont fait que on n'est pas dans le coup niveau. Oui, plus de débat. L'entreprise a été très réactive. Ça marche. L'assureur aussi. Écoutez, en aucun cas, monsieur. Voilà. Altaïs Expertise. Est une excellente boîte d'experts. Là, il y a eu un quoi. Comme il y en a dans toutes les sociétés, monsieur, y compris RTL. Des fois, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Ce qui compte, c'est de passer à autre chose et que ça s'envenime pas. Exactement. Et les gens intelligents comme vous règlent les problèmes. Donc, je vous dis. Bravo monsieur, vous avez tout compris. Longue vie à votre entreprise. Et longue vie à Altaïs Expertise, qui a d'excellents comptes et vous êtes un bon monsieur. À vous, à l'émission. Allez, je vous souhaite une bonne journée monsieur, c'est formidable quand ça se termine comme ça. Franck, je vous souhaite une bonne journée, vous nous tenez au courant. Merci. Merci, à bientôt. Sylvain Baron, vous êtes en ligne ? Oui, tout à fait. Alors, ça mord un peu, puisque je sais que vous êtes en train de pêcher. Et c'est pas faux, parce que je suis du côté de l'Empole-Poularzel, en Bretagne, dans la. Ouais, mais ça sent que vous êtes en Bretagne. Alors, dites-nous, vous êtes content? Oui, je suis content du résultat. Le remboursement était nécessaire. Ce que je déplore, c'est le fait que l'entreprise n'ait pas été au bout de son boulot. Bon, écoutez, maintenant, c'est réglé. Voilà, ils le sauront. Voilà. Peut-être que ça permettra de mettre. Mais à bientôt, mon Sylvain! Merci, bon week-end à tous. Allez, bon week-end avec Shout, Tear for Fears. Oh, c'était extraordinaire. Bien ça. 1985. Shout, shout, shout. For Fears, shout sur l'antenne d'RTL. Bravo aux équipes pour ce premier dossier. Bravo, je tiens à le dire, aux interlocuteurs. Hervé Pouchol, c'est très important. On veut simplement que les choses s'arrangent par le dialogue. Parfois, il vaut mieux faire un petit pas en avant. Des deux côtés d'ailleurs, et c'est la négo qui fait que tout le monde se sent mieux après avoir réglé un dossier. Quand on a un professionnel comme ce monsieur et qui est vraiment à l'écoute, il a envie de trouver une solution. Il l'a proposé de lui-même, j'ai pas insisté énormément. Voilà. Et là, vraiment, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je tenais vraiment à ce qu'il y ait une minute dans l'émission où on parle pour ne rien dire. Et vous venez de l'avoir, et là, c'est un maître étalon. Parce qu'il n'y a aucune info dans ce que nous venons de dire. C'était simplement parler pour parler. Et ça, je dois le dire, zappez autant que vous voulez. Vous ne trouverez aucune radio qui le fait avec autant d'efficacité. RTL Leclerc. Dis donc, Philippe, on prépare l'été, à ce que je vois. Ah, ça ? Oui, de la 1664 en pack de 24 bouteilles avec 30% de remise immédiate en ce moment chez Leclerc. De la 1664 en promo ? Eh oui. Du 12 au 23 juin chez Leclerc, le pack de 24 bières 1664 de 25 centilitres avec 30% de réduction immédiate est à 7,91€, soit 1,32€ le litre. Voir modalités et magasins participants sur www.1.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et 30% sur de la 1664, ça en fait des économies. C'est pas faux. Une question à Didier Tabary, président de Philorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée qu'une injection en cabinet médical ? Eh bien, chez Philorga, nous avons réussi pour la première fois à concentrer l'équivalent d'une méso-injection dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche ? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCTF Reverse, nous traitons rides, éclats et fermeté avec une efficacité visible dès 7 jours. NCTF Reverse de Philorga, la crème anti-âge concentrée comme une méso-injection. Efficace dès 7 jours. Détails de l'étude sur philorga.com. Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Patrick Haber, à Pau, nous dit pourquoi. J'ai deux enfants qui portent des lunettes. lunettes. L'aîné, qui a 14 ans, a pu bénéficier des vrais conseils avisés par rapport à son visage, par rapport à ce qui lui allait, ce qui lui allait pas. Il ne mente pas, quoi. Et pour le plus jeune, il y avait un choix sympa, des lunettes vraiment bien, qui changent un petit peu de ce que j'ai pu voir ailleurs. Et mon opticien m'a parlé de l'objectif zéro dépense, qui tombait très bien, puisque c'était le moment de la rentrée, qu'il y avait beaucoup de dépenses, donc ça tombait à pic. Stéphane Pédaraguet, l'opticien optique 2000 de Monsieur Haber à Pau. Notre priorité est que notre client reparte avec le sourire, partager avec lui notre passion pour les produits, la technique, lui apporter un vrai service tout en respectant son budget. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous gérons tous les papiers. Alors Monsieur Haber, content d'Optique 2000 ? Complètement. Et en plus, il gère tout pour moi, donc c'est parfait. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Arnaud, plâtrier. Quand vous dites tout inclus pour mon master, ça inclut vraiment tout ? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement, l'entretien, même le changement des plaquettes et des pneus. Et vous dites aussi tout équipé ? Tout à fait. Nous avons plus de 800 masters grand confort disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé et tout de suite. Ça, c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Merci d'avoir choisi la radio numéro 1. Vous écoutez RTL chaque matin, bien sûr. Nous tentons de régler vos problèmes. Et un deuxième cas arrive dans quelques instants en direct. Ah, elle fait encore le point. 10h. Ça aussi, vous ne l'entendez que sur RTL. Je tiens à le préciser. Évidemment. Les informations à 9h09. Bonjour Julien, bonjour à tous. L'Union européenne a commencé aujourd'hui à taxer des dizaines de produits américains, les motos Harley-Davidson par exemple, ou encore le bourbon ou les jeans, en riposte aux taxes imposées par Donald Trump sur l'acier européen il y a quelques semaines. Melania Trump, elle, est allée rendre visite à des mineurs sans papiers au Texas, près de la frontière mexicaine, des enfants qui ont été séparés de leurs parents. Ils ont peur sans leur famille, a-t-elle dit. Elle a demandé aux salariés du centre comment elle pouvait aider à les réunir. Donald Trump a signé hier un décret qui met fin aux séparations entre parents et enfants entrés illégalement sur le sol américain. Une grande réunion sur le glyphosate a commencé ce matin à Matignon. Il s'agit de mettre en place un comité de suivi pour sortir du glyphosate, cet herbicide controversé que la France veut abandonner d'ici à 2021. Les ministres de l'Agriculture, Stéphane Travert, et de la Transition écologique, Nicolas Hulot, ont rassemblé une soixantaine de spécialistes et de professionnels de l'agroalimentaire. Dans la Drôme, près de Valence, un couple a été mis en examen après la mort de leur enfant, une petite fille de 16 mois, décédée il y a quelques mois. Ils ne la nourrissaient qu'avec des laits végétaux, notamment du lait de châtaigne. Ils ont été mis en examen pour un mauvais traitement ayant pu entraîner la mort. Leurs autres enfants ont été placés. La grève à la SNCF, 17e et avant-dernier épisode de la grève perlée. Le trafic sera bien moins perturbé aujourd'hui, avec 9 TGV sur 10, 3 TER sur 5 et 2 Transiliens sur 3. Cet épisode se termine dimanche matin. La grève reprend les 27 et 28 juin, mercredi et jeudi prochain. Ensuite, seule la CGT et l'UNSA ont l'intention de continuer ce mouvement pour dénoncer la réforme à la SNCF. La Coupe du Monde de football, ça passe donc pour la France. Ça devient très compliqué pour l'Argentine. Messi et les siens ont été humiliés hier soir par la Croatie 3-0. L'Argentine est au bord de l'élimination. Les Français, eux, termineront en tête de leur groupe s'ils décrochent un match nul. Ce sera mardi prochain. Face au Danemark, ils ont battu le Pérou 1-0 hier après-midi. Le programme du jour à 14h, Brésil-Costa Rica, à 17h, Nigeria-Islande et à 20h, Serbie-Suisse. Match à suivre évidemment très régulièrement sur RTL et Club RTL Mondial ce soir à 20h. Le temps, pas mal de soleil aujourd'hui. Les nuages qui recouvrent le sud-ouest ce matin vont finir par se dissiper, sauf sur les Pyrénées. Ciel couvert aussi sur la Côte d'Azur et les Alpes du Sud. Ailleurs, c'est plutôt beau, avec toutefois quelques nuages encore près des frontières du Grand Est. Il fera dans l'après-midi de 17 degrés au Havre à 33 degrés à Toulon, en passant par 18 à Lille et 22 degrés à Paris. Les courses, quintet en nocturne à Vincennes, les pronostics de Bernard Glass. 6, 11, 10, 7, 15, 12, 4 et 17. Dernière minute, le 10, Vixel. 10h03 sur RTL Balle Neuve, Julien. Oui, et vous n'avez pas de chance parce que je viens de changer mon service, je le slice maintenant. Vous êtes prêts? On y va. Ah, Anaïs. Et voilà Anaïs, merci à 11h. Tout à l'heure, Anne-Noé Neuf pour l'info. Bonne journée Anne, bonne journée à toute la rédaction. Nous allons faire un point info très rapide sur ce qui s'est passé avec peut-être une petite règle d'or pour vous. Maître Blanche de Grandvilliers, on y va. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous avons donc fait appel, enfin Franck a fait appel à nous, car il a mandaté un expert qui devait lui rendre son rapport sous 3 mois, et malgré ses relances, Franck n'a toujours pas eu son rapport d'expertise, il n'avait pas de nouvelles, nous avons téléphoné, nous avons eu l'expert, et là l'émission, j'ai envie de dire, a réalisé sa mission, c'est-à-dire tenter une médiation qui aboutit, et tout le monde est content, Hervé, de ce côté-là. Oui, l'expert va rembourser, en défalquant quand même ses frais de déplacement. Alors maintenant, je voudrais qu'on revienne, parce que, encore une fois, cet expert, évidemment, qu'il est tributaire d'assurance, qu'il ne lui donne pas, mais que vaut juridiquement cette appellation ? Nous nous engageons à rendre un rapport sous 3 mois. Règle d'or. La règle d'or sur RTL. Quand les 3 mois sont passés, ce que je peux faire, comme l'a fait Franck, hein, dire, monsieur, c'était 3 mois. Alors, évidemment, on ne va pas dire 3 mois et 2 jours, mais on va dire presque 4 mois. Je veux mon remboursement. Le délai, la promesse n'a pas été tenue. Exactement. L'expert est tenu, comme il l'a rappelé, à une obligation de moyens. Mais c'est lui-même qui a donné l'indication de ces 3 mois. C'est l'article 1226 du Code civil qui permet donc à l'auditeur, si le contrat n'est pas respecté, de prendre la décision de résoudre le contrat et de demander le remboursement après avoir mis en demeure le co-contractant. Le cas numéro 2, Maître Fellono, arrive dans quelques instants. De quoi s'agit-il en direct ? Yann a acheté un terrain pour y construire sa maison et figurez-vous qu'alors qu'il n'y a pas de maison, que le compteur d'eau vient juste d'être installé, on lui a prélevé 1060,31 centimes d'euros de consommation. Il se demande bien qui a consommé sur son dos. Eh bien, nous allons nous en occuper dans quelques instants et puis tout à l'heure, on vous donnait la météo. Eh bien, à 22h ou à 21h50, il fera 13 degrés dans la Marne où je jouerai à Bisseuil ce soir. Donc 13 degrés, hein. Donc, soyez pas dans les rues, venez plutôt dans la salle. Franchement, vous réchauffez et vous marrez avec moi à Bisseuil ce soir. On se retrouve dans une seconde, mesdames et messieurs. N'oubliez pas qu'à n'importe quel moment, vous pouvez bien sûr passer sur l'antenne au 3210. On viendra aussi sur les pronostics d'Alain Hazard, notre rédacteur en chef, chaque jour. Un pronostic, pour l'instant, aucun bon résultat. Voyons si hier il était inspiré pour le France-Pérou. Nous reviendrons sur son pronostic. Vous avez choisi la radio de la Coupe du Monde, elle s'appelle RTL. A tout de suite. Partagez toutes les émotions du foot avec Géant Casino. Entrez dans le match en écoutant les indices pour trouver votre Géant Casino et le mot de passe correspondant. Le premier à le donner à l'hôtesse RTL qui se trouve sur le parking du Géant remportera 500 euros en carte cadeau. Venez aussi défier Madame Indestructible au tir au but. Le meilleur buteur remportera une Skoda Fabia, oui ! Conditions sur géantcasino.fr. Les prix bas, c'est Géant. Vous êtes sur RTL. RTL, première radio de France. À 11h sur RTL. C'est vendredi, la fête n'est pas finie. À la bonne heure, sort les platines. Avec Stéphane Bern. Et oui, autant le faire avec l'un des meilleurs DJ de la planète. Sinon, le plus grand, Bob Sinclair, est mon invité pour revenir sur sa carrière et découvrir son nouveau titre, I Believe. À la bonne heure. Tout à l'heure à 11h avec Bob Sinclair. Bouygues Télécom. Regarde cette sublime photo des filles et moi. Waouh, vous êtes sublime. Tu t'es offert un photographe professionnel, avoue-le. Non, je me suis offert l'incroyable iPhone X à un prix incroyable lui aussi. Ah bah tu sais faire ton petit effet toi, hein. Et oui, en ce moment, chez Bouygues Télécom, pour l'achat d'un iPhone X avec un forfait sensation avec avantage smartphone, profitez de 200 euros offerts pour la reprise de votre ancien téléphone et de 180 euros supplémentaires remboursés sur demande. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition pour la reprise d'un mobile d'une valeur minimum de 100 euros, engagement 24 mois et conservation des numéros. Pour EOV MCD Mutuel, je ne suis pas une senior, je suis Nicole. Moi, à la retraite, je la vois comme une nouvelle vie et c'est le moment idéal pour me mettre à la marche nordique. C'est pour cela que Nicole a choisi EOV MCD Santé Vitalité, la complémentaire santé qui lui permet de bénéficier gratuitement et à domicile d'un bilan d'activité physique. Idéal pour rester active et en bonne santé. EOV MCD Mutuel, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOV MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur eov-mcd.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et voici le deuxième cas sur l'antenne d'RTL. J'accueille maintenant Yann. Yann, bonjour. Bonjour Julien. Bonjour Yann. Yann, pouvez-vous raconter aux auditeurs d'RTL, s'il vous plaît, le but de votre appel, vous qui nous appelez, de quel côté vous êtes ? Dans le 35 ? Dans le 35, c'est ça. Bon, on y va, c'est parti. En fait, j'ai acheté un terrain à la commune où j'habite pour y faire construire une maison. La commune devait viabiliser ce qu'ils ont fait. Et peu de temps après, on a reçu une facture d'eau de 1060 euros. Qui correspond à 266 mètres cubes. Donc en une semaine, on aurait consommer ça. 266 000 litres d'eau en une semaine sur un terrain vide. Oui, alors, c'est trop fort. J'ai connu, mon cher Yann, dans ma vie, quelques couillons qui s'amusaient à prendre un tuyau et à arroser des terrains en friche. Ils étaient rares, mais j'en ai connu. Mais je ne pense pas que vous fassiez partie de cette catégorie. Yann, est-ce qu'une petite enquête a été ouverte ? J'ai appelé plusieurs fois la compagnie d'eau, qui nous ont dit, au début on a été mal reçus, plus ou moins, et au fur et à mesure des différents appels, ils ont reconnu leur erreur, mais depuis... Mais ils ne l'ont pas reconnu par écrit, hein. Ah non, on n'a aucun écrit. Ouais, on va s'en occuper, mais enfin, franchement. Alors maintenant, je le dis à tout le monde, c'est pas une règle d'or. C'est arroser le terrain, ça fait pas grandir la maison plus vite. Certains le croient, parfois. Ah, ça fait monter les fondations. Mais pas du tout, ça ne marche pas. Alors, Maître Fellono, c'est quand même. Là, quand on est à 266 000 litres d'eau sur un terrain. C'est encore vous, Blanche Grandin? Dites-moi, vous êtes venu pourquoi exactement, vous, Maître Fellono, ce matin? Ah, d'accord. Alors, non, mais je me demande. Après tout, vous avez le droit. Si vous n'avez pas de. On peut vous trouver un foyer d'accueil, de mère célibataire, de choses comme ça. Mais venir là comme ça, et à chaque fois que je me tourne vers elle, je dis non, c'est Blanche Grandvilliers. J'ai l'impression que. Alors, Blanche, 266 000 litres d'eau sur un terrain en friche, enfin, il voit bien que c'est du grand n'importe quoi. Oui, c'est aberrant. On a déjà eu le dossier, Julien, on a déjà eu ce genre de dossier. Alors, ce qui est intéressant, Julien, c'est que le paiement est passé par prélèvement automatique. Donc, déjà, première erreur de la compagnie, c'est qu'elle n'a pas envoyé la facture avant de prélever la somme. Parce qu'évidemment, si elle avait envoyé la facture, notre auditeur, Yann, aurait réagi. Deuxième élément, heureusement, si la compagnie ne rembourse pas, nous sommes encore dans les délais, Julien, pour faire une action contre la banque qui a payé. Parce que vous savez, c'est un prélèvement automatique, donc vous ne savez pas à l'avance quel montant va être débité. Et vous avez la possibilité, vous avez un délai de 8 semaines, à partir du moment où la somme a été débitée, pour faire une réclamation à votre banque et demander le remboursement de la somme. Nous allons appeler la compagnie des eaux, nous allons appeler la mairie. Je peux quand même vous poser une question, Maître Fellono, parce que comme vous êtes là, que vous participiez un peu. Est-ce qu'on est d'accord qu'ils ont fait l'installation de l'eau sur ce terrain, donc avant de démarrer, le viabiliser avant de démarrer la construction? Oui, mais là, il n'y avait même pas de compteur, Julien. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est pas de maison, pas de compteur, donc il ne peut pas consommer. Donc il y a un bug quelque part. On attend avec impatience les arguments pertinents qui ne manqueront pas de nous être donnés. Yann veut parler. Yann, je vous écoute. Ouais. Juste une petite précision. Quand ils ont installé, quand ça a été viabilisé, la maison avait commencé. D'accord. Elle avait commencé et ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que après avoir reçu cette facture-là, on a reçu une vraie facture de la consommation d'eau, parce que le chantier avait besoin d'eau. Et là, on avait un mètre cube de consommé, qui était... Un mètre cube pour faire le chantier et 266 000 litres d'eau pour rien. D'accord. Céline. C'est ce que je voulais dire. Yann vient de me couper l'herbe sous le pied. Mais je pourrais quand même ajouter que cette consommation de 266 000 litres d'eau, c'est en une semaine. D'accord. Donc on se demande si, en fait, c'est pas la consommation d'eau de la mairie. On ne sait pas, ou de la commune. Et ça représente donc 1000 euros. Nous allons appeler dans une seconde sur l'antenne d'RTL le temps de préparer tous les numéros. Et nous allons nous retrouver après avoir écouté cette association improbable, mais qui fait un carton. Maître Gims et Vianney, le voisin de Blanche Grandvilliers. Voisin de palier. Oui, c'est vrai. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes sages, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey on y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Maître Gims et Vianney, Vianney qui, je le rappelle, était le nounou des enfants de Blanche Grandvilliers, c'est vrai, quand il était jeune, avant de devenir riche et célèbre. Et maintenant, c'est vous qui allez garder ses enfants, Blanche Grandvilliers, parce que maintenant, évidemment, avec son succès, inutile de vous dire qu'il se paie des avocates pour garder les enfants quand il va au cinéma. Comme quoi, vous voyez, la roue mais tourne dans la vie. Voilà. Ne jamais se dire... voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Nous allons donc maintenant lancer l'appel pour Yann. Rappelez-nous, Maître Fellonneau, quelle est la mésaventure de Yann pendant ce temps-là? Blanche et moi, nous allons essayer d'avoir pour commencer la compagnie. Yann a effectivement eu 1060 euros de consommation d'eau qui lui ont été prélevés alors qu'il n'a pas de maison et que le compteur d'eau vient juste d'être installé. Et nous avons maintenant et bienvenue chez Veolia. Maurice, le roi du xylophone, en tournée actuellement dans toute la France. Nous vous informons que cette conversation peut être enregistrée à des fins d'amélioration de notre qualité de service ou de la bonne gestion de votre dossier. Oui. Veuillez saisir le code postal de la propriété des services. Vous récupérez l'appel, bien sûr. Allez, le temps de passer tous ces petits barrages, il va falloir taper 2, 3, 4, 5, vous le savez, étoile, dièse, et nous nous retrouvons dans une seconde dès que nous avons un interlocuteur sur l'antenne d'RTL. Hervé Pouchol, essayez d'avancer le plus rapidement possible pour que l'on puisse parler à quelqu'un. Et peut-être en parallèle, je vous propose d'essayer d'avoir la mairie. Comme ça, retour de pause, mairie, Veolia, on a tout le monde, on discute, on sympathise, on boit un coup, on règle le problème. C'est ça, RTL. A tout de suite sur l'antenne pour la négo. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... J'ai envie de changement, de tout repeindre. Seulement, vu mon budget, je vais avoir le choix entre plusieurs types de blanc. On vous répond. On a sélectionné pour vous la gamme de peinture Luxeins Mur et Boiserie pour seulement 15,90€ le pot de 2,5 litres, et ça toute l'année. Choisissez parmi 10 coloris tendances sans vous priver. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Soit 6,36€ le litre. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Valérie, restauratrice? Vous dites, tout inclus pour mon trafic. Ça inclut vraiment tout? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut les révisions, les plaquettes de frein, les pneus, et si votre trafic est immobilisé, vous avez un véhicule de remplacement. Vous dites aussi tout équipé? Bien sûr, nous avons près de 1000 trafics grand confort disponibles. Tout inclus, tout équipé et tout de suite, ça c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Supermarché Casino. Vos supermarchés Casino vous préparent des offres juteuses. Jusqu'à dimanche, profitez des heures Happy Hours et de 50% de remise en bon d'achat sur le rayon fruits. Casino, goûtez-moi cette journée. Offre 50% valable du 21 au 24 juin de 10h à midi et à partir de 17h. Hors produit en promo, 1 plus 1 gratuit, 2 plus 2 gratuit avec la carte, 50% sur un produit et offre coupon Casino, c'est max. Bon d'achat valable du lundi 25 juin au dimanche 1er juillet, hors Corse. Retrouvez la liste des magasins participants sur supercasino.fr. Et si vous viviez plus intensément les matchs des Bleus? Moi, avec Orange, j'ai la Livebox. On va pouvoir suivre les matchs des Bleus comme jamais. Pareil. Mais moi, en plus, avec Orange, dans mon studio, les matchs sont en haute définition. Canapé ergonomique? Pareil. Frigo dans les accoudoirs? Pareil. Ouais, mais moi, je veux juste les regarder avec toi. Pareil. Ah. Ne ratez rien des matchs des Bleus avec la Livebox Zen à seulement 19,99€ par mois pendant 12 mois, puis 36,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avec engagement 12 mois et selon éligibilité. 17€ par mois remboursé avec changement d'opérateur après le 17 mars. Détails sur odr.orange.fr. Leclerc. Leclerc. Chérie, en ce moment chez l'auto Leclerc, il y a une promo sur l'achat et la pose de pneus Goodyear, Hankook ou Lofen. Oui, et donc ? Bah, à la veille des départs en vacances, mieux vaut faire changer ses pneus usés maintenant plutôt que sur le bas-côté. Ah bah carrément. Du 19 juin au 14 juillet dans les centres l'auto Leclerc, pour l'achat et la pose complète de deux pneus Goodyear, Hankook ou Lofen, bénéficiez de 15 euros de réduction immédiate ou 40 euros pour 4 pneus. Voir modalité dans les magasins participants, offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voilà, on a des beaux pneus neufs, deux grandes marques et un prix Leclerc. Et il est content. Parfaitement. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Où en sommes-nous, s'il vous plaît, sur le cas de cette facture d'eau? 266 000 litres d'eau sur un terrain en construction alors qu'il a fallu 1 mètre cube pour pouvoir commencer le chantier. Où en est-on avec Veolia, s'il vous plaît? Eh bien, je suis encore en attente. On m'annonce un délai d'attente de 5 minutes. Eh bien, nous attendrons 5 minutes. Pendant ce temps-là, Hervé Pouchol, vous essayez d'avoir la mairie. Quel est le rôle de la mairie dans ce dossier, Blanche Grandvilliers? Eh bien, on se demande déjà, d'une part, si ce n'est pas la facture de la mairie qui a été débitée sur le compte du Pauviane. Et puis, bah, c'est à elle de vérifier qu'il n'y ait pas de facture indue de ce genre. Alors, nous avons peut-être la mairie de Cornu. Oui, qui est en ligne avec une dame tout à fait charmante. Je n'en doute pas. Bonjour, madame, tout à fait charmante. Bonjour. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce qu'il est possible d'avoir d'ici 11h M. Prigent, le maire, s'il vous plaît? Non, je suis désolée, il travaille à l'extérieur et donc il est passé ce matin de bonne heure, mais on ne va pas le revoir avant la fin de la journée. Bon, alors, est-ce que vous pouvez essayer de lui envoyer un petit texto? Ah, apparemment, il y aurait une alerte avec Veolia. Tout à fait, alors, nous sommes avec Veolia. On va essayer de récupérer cette dame et voir comment peut-être qu'on peut envoyer un petit texto à M. le maire. Allô, Veolia? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Il y a à mes côtés, je suis en train de faire mon émission, Blanche Grandvilliers, l'avocate de l'émission, qui vous explique le but de notre appel. Oui, bonjour. D'accord, monsieur. D'accord, je vous écoute. Bonjour monsieur. Eh bien, notre auditeur a acheté un terrain pour construire une maison et il a été très surpris parce que quelques mois plus tard, vous lui avez prélevé 1 060 $31 de consommation d'eau pour une semaine, tenez-vous bien, alors qu'il n'y a même pas de maison construite sur le terrain à l'époque du prélèvement. Et en outre, d'accord, il nous indique qu'il n'aurait pas reçu la première facture l'informant de ce prélèvement d'un montant très important, ce qui lui aurait permis de réagir et de faire stopper le prélèvement. Alors, comment d'accord, peut-on avancer, s'il vous plaît? Je vais vous couper, je vous demande juste un petit instant. Est-ce que je peux vous faire patienter juste mais un peu? Bien sûr, il n'y a aucun souci, merci beaucoup. Donc, nous avons, je vous en prie, monsieur. Nous avons donc Veolia en ligne d'un côté, la mairie de Cornu de l'autre. Monsieur Prigent travaille, souvent dans les petites communes, vous savez, le maire a un boulot. Et nous allons essayer d'avancer là-dessus et nous remonterons ainsi de suite les différents échelons parce qu'on ne peut pas faire payer quand même 266 000 litres d'eau pour un terrain qui va être bientôt en construction. Eh bien, écoutez, la jeune femme que vous avez eue au bout du fil va envoyer un texto au maire qui super va nous rappeler, je l'espère. En avance, on va, je pense, trouver une solution pour Yann. Il attend désespérément, mais nous allons faire avancer les choses. Voici l'arnaque en temps réel à 10h21 sur RTL. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30-11h sur RTL. Et nos amis du journal, l'excellent journal Le Télégramme, nous disent la chose suivante. Un retraité, stop, issu de Concarneau. Non, parce qu'ils n'écrivent pas les articles comme ça quand même. Un retraité issu de Concarneau dans le Finistère a été convaincu par un voisin de lui remettre 40 000 euros. Le voisin indélicat avait mis en relation le pauvre homme avec une femme qui recherchait soi-disant l'amour via l'application Skype. Au bout d'un mois de conversation en ligne, le sexagénaire pensait vivre le grand amour. Petit problème, la femme vivait en Arménie et exigeait de se marier dans son pays. Évidemment, elle n'avait pas d'argent, c'est pourquoi le voisin complice devait s'occuper de tout. D'autres voisins se sont rendus compte de la situation et notre homme a fini par porter plainte. L'affaire a été jugée, le tribunal rendra sa décision le 5 juillet. Ces arnaques à l'amour, maître Fellonneau, on les connaît bien, de plus en plus, et notamment avec les réseaux sociaux, on vous met une belle photo, une belle femme, ou un bel homme d'ailleurs, des femmes se font avoir autant que les hommes, et malheureusement, au bout du compte, c'est... Non, c'est plus souvent les hommes qui se font avoir. Oh, ça arrive les deux, si vous voulez. Si ça vous fait plaisir, de, ça dire fait ça, plaisir de dire ça, dites-le. On n'a aucune statistique, mais on le dit comme ça. On travaille un peu à l'improvisation. C'est notre façon de faire du journalisme. Voilà, exactement. Allez-y. Et moi, je trouve bon, mais qu'il devait être vraiment en manque, ce monsieur, parce que quand même, pour débourser 40 000 euros, faut vraiment être dans un désespoir amoureux complet. Je regrette pour lui. J'espère qu'il va être remboursé de toutes ces sommes, parce que c'est devant un tribunal, et heureusement que le tribunal va faire quelque chose. Nous allons revenir très rapidement sur le pronostic d'Alain Zard. Chaque jour, Alain Zard, rédacteur en chef de l'émission, ancien grand journaliste sportif spécialisé dans le football, nous montre qu'on n'est pas journaliste journaliste spécialisé de football comme ça, du jour au lendemain et pour rien. Ça se base sur une expérience et des connaissances. Je rappelle très rapidement que pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde, il nous avait dit sur cette antenne, il y aura 0-0, ce sont en général des matchs où il ne se passe rien. J'ai l'habitude, j'ai l'expérience. Jamais dans l'histoire d'une Coupe du Monde, il n'y a eu autant de buts lors de ce premier match. Le lendemain, c'était pour un Angleterre, je ne sais trop quoi, il s'est planté. Il s'est replanté hier, mais... Par contre, voilà, pour le France-Pérou, il a dit là, j'ai vraiment bien examiné les compositions d'équipe et tout, et voilà ce qu'il nous a dit hier. France 2, Pérou 1. Voilà. Ah, le Pérou marque pour vous. Oui. Le Pérou marque, oui. Julien, je pense qu'il y a un autre visionnaire des pronostics, on pourrait peut-être l'écouter. Non. Ça, moi, j'ai dit 2-0 et but de Giroud. Voilà. Bah non, bah c'est pas bon non plus. Oui, mais c'est mieux que vous. Ça se discute, c'est pareil. Bon, alors, parlez-nous du match de ce soir, s'il vous plaît. Alors, ce soir, c'est donc la Serbie contre la Suisse. Je vois une victoire de la Serbie, mais il y a surtout, bien sûr, dans l'après-midi, le Brésil qui joue contre le Costa Rica. Combien ? Oh, on va dire 3-0 et on espère tous que Neymar soit enfin en forme. Et une pensée pour le Lionel Messi qui se fait massacrer d'ailleurs ce matin en Argentine. L'équipe d'Argentine qui n'était pas vraiment favorite mais qui a des joueurs exceptionnels. On en arrive même. Et moi hier soir je regardais le match et c'était un mystère. Comment autant de joueurs de ce niveau peuvent ne pas s'entendre et jouer aussi mal ensemble? C'est un truc de dingue. À un moment donné, il n'y avait rien. On peut peut-être dire que le sélectionneur a sa part de responsabilité. Ouais, comme vous, quand on fait des mauvaises décisions. Bah oui, bien sûr. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Nous allons donc pouvoir enchaîner maintenant par un suivi de cas dans une seconde. Nous parlerons, est-ce que vous vous rappelez, vous voulez bien nous en dire deux mots, Céline, de ce cas c'était Céline d'ailleurs. Non, oui, c'est Marie-Christine. Voilà. Donc, Marie-Christine nous avait appelé pour son fils Grégory, qui est plombier à son compte. Il avait travaillé en qualité de sous-traitant. Il attend d'être payé de plus de 2000 euros. Eh bien, nous allons revenir là-dessus après avoir écouté le grand retour d'Alex Hepburn avec un deuxième album prévu cette année. Écoutez-moi ça. Sur ce dossier, rappelez-vous, il y avait trois intervenants. Il y avait d'abord un jeune homme qui est plombier, qui a été mandaté par une société pour aller faire de la plomberie dans un supermarché, et il n'a pas été payé. Et celui qui devait le payer dit le boulot a été mal fait. Donc nous avions appelé le supermarché en leur demandant, l'hyper, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a bien fait son boulot? Mal son boulot? Comment expliquez-vous que votre client ne l'ait pas payé? Il nous a dit, je vérifie. Eh bien, nous avons les infos et quelques intervenants qui sont là. Nous allons faire la lumière sur ce dossier dans une seconde sur l'antenne d'RTL après ceci. à tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors, le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. C'est le mois des estivales chez Carrefour, avec des promos incroyables sur des centaines de produits. Par exemple, la barquette de 18 chipolatas Carrefour élaborée en France est à seulement 4,50€ le kilo. Résultat des courses, c'est barbecue party avec mes copains, les potes de mes copains, salut, et les enfants de mes copains en plus. C'est le mois des estivales dans vos hypermarchés Carrefour et aussi dans leur drive, avec jusqu'à 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur des produits de grande marque. Carrefour. Barquette de 1 kg, valable jusqu'au 24 juin. Détail produit sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Chérie, j'ai une grande nouvelle. On change de box. Ah bon? Mais pourquoi? Bah parce qu'en ce moment, Free propose la Freebox Révolution à 19,99€ par mois. On est obligé de sauter dessus. Et en plus, on aura la fibre, t'imagines? Ah oui, j'ai surtout envie de te sauter dessus. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non mais doucement, chérie. Merci Free. Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama. En ce moment à 19,99€ par mois pendant un an au lieu de 44,99€. Appelez gratuitement le 1044 ou rendez-vous sur free.fr. Offre soumise à condition, engagement 12 mois sous réserve d'éligibilité à la fibre. Depuis 220 ans, l'anis Duval met du soleil dans votre verre. Voilà l'été, pastis Duval. Voilà l'été, pastis Duval. Pastis Duval, voilà l'été. Duval, 220 ans d'anis et d'eau fraîche. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. L'été, les projets fleurissent. Et chez Castorama, on va vous aider à les faire grandir. Voilà pourquoi on vous facilite la vie en vous proposant la livraison gratuite. Oui, la livraison gratuite sur tous les produits jardin, construction et menuiserie. Eh oui, la livraison est offerte chez Castorama. Mais attention, ce n'est que du 22 au 24 juin. Alors vive l'été et en avant les projets! Castorama, ensemble on peut tout faire. Offre valable du 22 au 24 juin, voire conditions en magasin. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur castorama.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RT. C'est parti donc pour ce dossier sur lequel nous revenons. D'un côté, mais il était en ligne, il ne l'est plus, il y a un jeune plombier. Exactement, donc nous avions Grégory, le fils de Marie-Christine qui nous avait contacté. Malheureusement, il a raccroché, donc il ne pourra pas s'exprimer pour l'instant. C'est dommage, donc s'il nous écoute, parce qu'on a vraiment besoin de lui, il était là, ça a raccroché, maintenant on ne peut plus le joindre. Donc lui, il est jeune plombier, il nous appelle à l'époque pour nous dire qu'il a travaillé comme sous-traitant pour un artisan sur un chantier. L'artisan en question, c'est une entreprise qui s'appelle l'entreprise tel père et fils TRM. C'est monsieur Tarico qui lui est en ligne. Exactement. Qui nous a répondu tout de suite quand on l'a appelé en nous disant, moi j'ai des arguments à vous donner qui vont contre ce que vous dit ce jeune plombier. Il a mal travaillé, il était souvent dans sa voiture, il y a eu des morceaux de scotch qui ont été mis, bref, j'étais pas très content de ce travail là. Là-dessus, bon, on avait quand même des mails qui avaient été envoyés par monsieur Tarico au jeune plombier qui semblait dire, je vais te payer mais je attends de faire le point avec la grande surface. Exactement. Et nous avons appelé la grande surface, le client final, qui était super heureux, qui nous a dit, écoutez, je regarde si le boulot est bien fait ou pas. Alors, qui est en ligne? Alors là, nous sommes avec monsieur Tarico, donc de la société TRM, qui a donc embauché comme sous-traitant Grégory. Et nous avons reçu en parallèle un mail du patron de Super U, qui est donc le client final. Donc, je pourrais peut-être vous le lire après, si vous souhaitez d'abord intervenir avec monsieur Tarico. Faites-le pendant, ça serait mieux. Allez-y maintenant. En tout cas, changez de rire à l'occasion parce que celui-ci ne vous fera pas beaucoup progresser. Allez, on y va, on lit le mail. Ok, donc le mail est assez long, je vais vous faire un résumé. Donc le patron de Super U ne souhaite pas s'exprimer à l'antenne, évidemment. Mais dans son mail, il nous dit qu'en fait, tous les propos tenus par M. Tarico ont été vérifiés. Donc le travail, a priori, aurait été mal fait, quelques malfaçons, notamment avec du scotch. Et notre ami Grégory serait plusieurs fois allé dans sa voiture pour des préoccupations personnelles et non pas pour être sur les chantiers travailler comme prévu. D'accord, donc M. Tarico, vous êtes en ligne avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, nous avons donc vérifié les propos des uns ou des autres et il s'avérerait, d'après ce que dit le patron de Super U, qu'effectivement le travail n'a pas été fait dans les règles de l'art. À partir de là, comment se sort-on de cette situation? Parce que le fait de dire je ne paie pas, ça va créer une autre... Est-ce qu'il faut qu'il revienne travailler et bien finir le chantier? Est-ce que vous ne souhaitez pas qu'il le fasse parce qu'il manque de compétences? Est-ce que vous souhaitez couper la part en deux? Oui, on peut imaginer un paiement partiel. C'est-à-dire au moins pour le travail effectué. Quel est votre point de vue là-dessus? Mais je comprends que vous-même, vous êtes embêté puisque vous aviez un client qui n'était pas content. Non, mais tout à fait. Et bon, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Gentiment, Ben, moi, ce que j'apprends au jour d'aujourd'hui, déjà, réintervenir, il ne pourra pas réintervenir parce que par rapport aux propos de sa maman, il n'aurait plus l'entreprise. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il ne peut plus intervenir sur site. Oui. Voilà. Donc, la réalisation des travaux était entreprise générale, mais je les ai effectués moi. D'accord ? Moi, en fait, c'était plus dans le sens de filer un coup à ce jeune, parce que quand il était venu, ben, il n'avait pas de travail, c'était pour lui filer un coup. Du coup, il donnait justement. Ok. Si on trouvait la solution, d'accord. M. Tarico, je comprends tout ça, mais si on trouvait la solution maintenant, il peut ne pas y avoir de solution non plus. La seule solution, après, peut-être qu'il décide d'aller, s'il le veut, au tribunal et de prendre des risques. Mais tout à fait, M. Courbet. Hein. Moi, d'une manière, j'ai rien à cacher, comme j'ai expliqué à la secrétaire, même hier au téléphone. Bon, allons-y, M. Tarico, on n'a plus beaucoup de temps. Je me suis mis en relation avec mon avocat, d'accord, qui est même prêt à vous téléphoner. Monsieur Abeille veut aller au tribunal de commerce. On ira au tribunal de commerce. Il n'y a aucun souci. C'est ce qu'il souhaite, voilà. C'est ce qu'il vous a dit. Non, si Monsieur Abeille souhaite. D'accord. Non, mais il souhaite pas. D'accord. Ok. Ça, si vous voulez, là, j'interviens plus là-dedans. Quand il y a du tribunal, ça ne me regarde plus. Est-ce que vous voulez un accord et lequel proposez-vous à Monsieur Abeille? Ben ça, l'accord déjà, c'est que entre guillemets, il est sali l'image de mon entreprise. Monsieur Tarico, je vais faire vite. Voilà. Vous ne donnerez pas un centime. On est d'accord. Mais c'est pas un reproche, hein, Monsieur Tarico. Ce n'est pas un reproche. Je comprends tout à fait. Ah non, mais je comprends tout à fait. Non, mais dites-moi, vous ne donnerez pas un centime. On est d'accord. Non. Ok. Fin de la discussion. Oui, rendez-vous au tribunal. C'est ce que Monsieur. Rendez-vous au tribunal. Parfait. Mais ok. Au moins comme ça, tout est clair. C'est clair. Vous avez pu vous exprimer. Vous avez des bonnes raisons pour le faire. La seule chose, mais alors je ne vais pas me permettre de vous donner des conseils. Je n'y connais rien dans le bâtiment, mais simplement, Monsieur Tarico, si ça arrive une prochaine fois, envoyez-lui une lettre commandée tout de suite. Cher monsieur, on me signale qu'aujourd'hui mardi, vous n'avez pas travaillé, qu'il y a du scotch, etc. pour acter. Parce que si ce n'est pas acté par des écrits, c'est compliqué par la suite. Là, vous avez de la chance. Le client final valide tout ça, mais il faut faire ça à chaque fois, monsieur Tarico. Mais en tout cas, vous avez donné sa chance à un jeune. Je vous remercie. C'est dommage qu'il n'ait pas su la saisir si ce que nous dit le patron du Super U est vrai. Bon, mais monsieur Tarico, on va vous laisser aller travailler tranquillement. Et puis maintenant, il fera ce qu'il veut. Notre ami Grégory, il peut aller au tribunal ou s'asseoir sur cette somme. Exactement, ce sera son libre arbitre, c'est certainement pas à nous de décider quoi que ce soit dans l'affaire. Et je vous souhaite une bonne journée. Vous de même. Au revoir. On va peut-être faire une petite règle d'or rapide. La règle d'or sur RTL. Des deux côtés d'ailleurs, que ce soit du côté du sous-traitant ou du côté de celui qui est donneur d'ordre, franchement, toujours tout acté, parce qu'après c'est facile de dire oui, mais il ne venait pas et comment je le prouve, mais si j'étais là, donc on est obligé d'aller chercher quelqu'un qui va dire oui, il était là, il n'était pas là, on acte par du papier, ce qui oblige l'autre à donner une réponse. Exactement, et le premier des papiers, comme vous dites, à faire, c'est un devis. Là, il n'y avait même pas de devis, donc on ne savait pas l'ordre de travail qui avait été donné à ce jeune. Donc maintenant, on lui reproche des tas de choses, c'est difficile pour lui de se défendre. Effectivement, il faut un devis, une facture en bonne et due forme. Et quand quelque chose se passe mal, prendre sa plume pour le faire valoir immédiatement. Una alerta, comme disent nos homologues espagnols. Que se passe-t-il, Hervé Pouchol ? Nous allons revenir sur le dossier de Yann. Ah, la facture d'eau. Alors, rappelez-nous, Yann. Mais Yann, il a acheté un beau terrain à bâtir. Il n'a même pas de maison. Vient juste de lui brancher son compteur d'eau. Et ben, pour autant, on l'a déjà débité de 266 000 litres d'eau. Alors, il ne comprend pas. Il n'est pas content. Nous avions d'un côté la compagnie Veolia, de l'autre côté, la mairie. Où en est-on, s'il vous plaît, Hervé Pouchol ? On attend un coup de fil de monsieur le maire qui ne devrait pas tarder, mais là j'ai réussi à voir Veolia qui sont en train de travailler sur le dossier. Ils m'ont promis de faire le maximum pour intervenir d'ici 11h. Super, bravo Veolia, j'espère qu'on aura vraiment une avancée parce que c'est quand même terriblement injuste de faire payer 266 000 litres d'eau à quelqu'un qui n'a qu'un terrain alors que pour la construction, on lui demande qu'un mètre cube. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, Blanche Grandvilliers. Oui, d'autant que Yann leur a écrit le 11 juin, ils n'ont toujours pas répondu. Et là, il a eu sa nouvelle facture, la vraie facture, donc il y a 1 mètre cube. Donc on voit bien que là, l'erreur vient de Veolia. Il faut absolument qu'elle rembourse maintenant. Nous allons continuer les cas en attente et nous allons revenir vers un vieux copain, ma Céline. Oui, c'est le cas d'Alfadio. Souvenez-vous, il voulait envoyer sa voiture à l'étranger via un transporteur. Ça fait 2 ans. Eh bien, malheureusement, j'ai peur que les choses n'aient pas beaucoup bougé. Donc nous allons relancer un petit peu tout ça, mais c'est une histoire de fou. C'est le 4e passage, je crois, d'Alfadio sur l'antenne RTL. Merci d'être avec nous. Tous vos problèmes de voiture, d'ailleurs, n'hésitez pas. 3210, la radio qui règle vos problèmes au quotidien, c'est RTL. Marc, client Netatmo. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on ne peut pas s'intéresser aux nouvelles technologies. Et quand elles sont utiles à ma sécurité et protègent ma maison, ben je fonce. J'ai installé facilement la caméra présence de Netatmo en remplaçant mon éclairage extérieur. Et ça marche très bien. Vous demanderez au cambrioleur qui s'est aventuré dans mon jardin. La caméra s'est allumée, il n'a pas demandé son reste. Bah, après ça, il n'a plus qu'à prendre sa retraite. Comme Marc, choisissez Netatmo. Des solutions intelligentes pour protéger votre maison. Jusqu'au 30 septembre, tentez de gagner le remboursement de votre caméra Netatmo. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. Belle matinée sur RTL. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Oh, je sais pas, les enfants, j'ai pas fait de course et je suis KO. Je vous fais des pâtes. Oh non, on a déjà mangé hier soir ! Fatigué des courses après le boulot ? À court d'idées pour cuisiner ? Simplifiez-vous la vie. Rendez-vous sur kitok.fr. Kitok imagine pour vous des recettes savoureuses et variées. Des repas à cuisiner avec de bons produits frais et de saison, livrés chez vous partout en France, gratuitement. 30% offert sur votre première commande avec le code RADIO. Valable jusqu'au 31 décembre. Kitok, Kitok. Kitok.fr. La recette pour cuisiner sans faire la course. Pour EOVI MCD Mutuel, je ne suis pas un senior, je suis Didier. Moi, la retraite, je la vois comme une nouvelle vie. C'est le moment que j'ai choisi pour partir m'installer dans ma maison de campagne. C'est pour cela que Didier a choisi EOVI MCD Santé Vitalité, la complémentaire santé qui lui offre le choix entre 20 niveaux de garantie et lui fait bénéficier d'un réseau de 230 agences partout en France. EOVI MCD Mutuel, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVI MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur eovi-mcd.fr. Envie de rire et de jouer pendant les vacances? Ne partez pas sans vos grosses têtes spéciales été. Le livre qui va vous détendre tout en faisant travailler vos ménages. Au programme, 125 jeux variés inspirés de votre émission préférée, parsemés d'illustrations hilarantes et de blagues désopilantes. Un livre-jeu à dévorer sans modération, à l'ombre du parasol. Disponible dans toutes les bonnes librairies. Aux éditions Michel Lafon avec RTL. Envie de confort? Envie de choix? Envie de grandes marques? Envie de mobilier made in France? Envie de Topair? En ce moment, l'espace Topair vous propose des conditions exceptionnelles sur les canapés Stenner, Duvivier, Burov, Stressless, Diva, Léolux. Vous allez adorer. Espace Topair, Paris 15e, 3000 m² pour vos envies de canapés, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention, métro Boussicaut, ouvert 7 jours sur 7. Topair.fr. Ah, l'été est enfin là. Et pour se rafraîchir comme il se doit, courez vite dans votre géant. Jusqu'à samedi de 11h à 13h et à partir de 17h, pendant les heures géantes, profitez de 50% de remise sur les glaces et les bières. Oui, 50% de réduction sur les glaces et les bières dans votre géant. Les prix bas, c'est... Géant ! Remise en bon d'achat, voire conditions et magasins participants sur géantcasino.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pour votre santé, bougez plus. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Maître Fellonneau nous rappelle l'histoire incroyable d'Alpha Dio. Alpha Dio veut faire transporter sa voiture en Afrique depuis la France. Il s'adresse à une entreprise de transport. Et puis sa voiture n'arrive jamais dans son pays africain. Alors il s'inquiète, il fait une petite enquête et figurez-vous qu'il la retrouve, sa voiture. Elle était bloquée sur le port d'Anvers depuis un an parce que le transporteur n'avait pas été réglé. Donc il est fou furieux. On avait envoyé en duplex Hervé pour retrouver cette société de transport que finalement on avait trouvé et qui nous avait dit qu'ils allaient faire quelque Alors, chose. Alors rappelez-nous un petit peu le contexte de ce... Vous étiez allé sur place Hervé Pouchol, de ce duplex? Alors, je peux pas vous en dire grand-chose parce que je suis en ligne avec une autre personne. Voilà. D'accord. Et je vais faire une alerte concernant le maire pour le cas Génial. De Yann. Avancez avec lui. Alors, il y avait eu un duplex. Il devait être payé. Alpha Diallo, qui était en ligne avec nous. Bonjour Alpha Diallo. Oui, bonjour Julien. Donc, on était bien d'accord que vous deviez être payé. Nous les avions appelés courant avril. Avez-vous été payé, Alpha Diallo ? J'ai pas été payé. Malgré une relance que je lui ai envoyée le 20 avril. Disant, nous sommes le 20 avril, n'oubliez pas de tenir votre promesse. Voilà. Bon, et bien, ça, il ne m'a pas répondu. Voilà. Nous allons les appeler tout de suite. C'est parti, on fait le numéro. Hervé continue, essayez de tenir avec le maire parce que j'aimerais vraiment avoir cette société. À quoi sert de faire des promesses si on ne les tient pas? Envoyez un colis vers l'Afrique. C'est urgent. Alors, c'est vous qui récupérez l'appel, s'il vous plaît, Céline, avec France Fret Express. Et nous avons donc le maire de la commune. Oui, Alain Prigent qui est en ligne. Bonjour, monsieur Prigent. Comment allez-vous? Julien Courbet à l'appareil. Oui, bonjour monsieur Courbet. J'espère ne pas trop vous déranger, je sais que vous bossez. Non, je vous en prie. On essaie d'aider, vous avez entendu parler de cette histoire là, de oui, votre administré Yann Dayo qui se retrouve avec 266 000 litres d'eau en une semaine sur un terrain vide. Et aujourd'hui on veut lui faire payer. Qu'est-ce qui a pu se passer à votre avis? Ah bah écoutez, moi ce que j'ai compris, parce que nous sommes intervenus auprès de Veolia suite à cet incident, parce que bien évidemment il s'agit d'une erreur hein, qui a été reconnue par Veolia. Et donc j'ai fait intervenir mes services pour demander des explications, puisqu'effectivement il n'y a jamais eu de création de compteur sur ce terrain qui était pas viabilisé, nous l'avons fait viabiliser. Et donc Veolia m'a indiqué qu'ils avaient fait déjà un virement de 1000 euros début juin. Ah, alors je ne suis pas au courant. Yann, vous avez eu un virement? C'est Veolia qui prétend que le virement a été fait. Mais attendez, on va demander. Oui, je sais bien. On va demander à Yann s'il a eu un virement. Vous nous l'auriez dit, Yann. Non, mais je l'ai pas eu. Bon, voilà. Donc, je regarde tous les jours mes comptes. Hein, donc, il n'y a rien eu du tout. Donc, il faut vraiment qu'on ait Veolia. Mais vous, monsieur le maire, vous me garantissez que Veolia vous a bien dit c'est une erreur de notre part? Oui, tout à fait. Bon, alors en avant, si jamais ça bloque, je vous appellerai, mais on va essayer d'avoir Veolia. Il n'y a aucune raison maintenant qu'on ne le rembourse pas. Et qui vous a dit qu'il avait déjà eu son virement? Ben écoutez, moi, je n'ai pas le mail sous les yeux, puisque je suis sur mon lieu de travail, mais j'ai eu effectivement ma collaboratrice qui s'occupe de l'urbanisme, qui, à ma demande, avait contacté Veolia pour dire que cette situation était inadmissible. Puisqu'il y avait une ouverture de compteur, et donc effectivement, fou, on ne peut pas consommer une telle somme. Voilà, et donc ils ne savent plus où ils en sont, puisqu'ils nous disent maintenant qu'il y a une partie qui doit revenir à la commune, sauf qu'on n'a jamais eu d'abonnement sur ce secteur, bien évidemment. Oh là là. Et donc, il est indiqué que cette somme aurait été virée donc à M. Daillot en début du mois de juin. Moi, je ne peux pas vous certifier que c'est la réalité. Bon. Ce que je peux vous dire, c'est que j'avais entrepris de faire un courrier assez salé au directeur général parce que je trouve ça inadmissible. Bien sûr. La façon dont on nous a répondu nous-mêmes en mairie, puisque ma collaboratrice a eu affaire à une personne qui n'a pas été agréable du tout. On s'est fait envoyer un peu balader, pour dire les choses clairement, puisque dans cette affaire, nous agissons un petit peu au nom de M. Daillot, et voilà, sur son terrain. Et donc, les relations ont été assez tendues. Merci, monsieur le maire. Nous avançons. Et je me permettrai de vous rappeler si, quand vous rentrez au bureau, quel moment vous avez l'occasion de nous faire passer ce mail. Ça m'intéresse quand même beaucoup. Bah écoutez, je vais regarder ça. C'est très gentil. Présent. Je vais essayer d'échanger avec Mme Élie. Merci, monsieur le maire. Monsieur Alain Prigent, maire de Cornu, est sorti de son boulot pour nous parler, pour faire avancer les choses pour son administré Yann Daniaud. Merci beaucoup, monsieur Prigent. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous tiens au courant de l'avancée. Alors, ce qui veut dire qu'il nous faut vraiment quelqu'un chez Veolia maintenant, parce que les choses qui ont été dites sur l'antenne, il nous faut quelqu'un pour argumenter. Vous avez quelqu'un, Céline? Vous m'avez fait signe? Oui, sur le cas d'Alpha Dio. Alors, écoutez, je n'ai eu personne au niveau du standard. Par contre, j'ai composé son numéro personnel. D'accord. J'ai demandé si c'était lui, on m'a dit non, je suis un de ses clients. Pourtant, c'est bien son numéro de téléphone. Ok, alors on revient sur Alpha Dio tout à l'heure. Là, je vais interpeller monsieur Frérot, qui est le grand président directeur général de cette énorme et noble compagnie qu'est Veolia. Monsieur Frérot, merci de nous aider à régler ce cas. On ne peut pas comme ça imputer 266 000 litres d'eau à un pauvre administré qui n'y est pour rien. Il y a une erreur, elle a été reconnue. Vos services de Veolia auraient envoyé un mail à la mairie de Cornu en lui disant on lui a fait un virement de 1 000 euros. Or, il n'y a jamais eu de virement de 1 000 euros. Et le maire de la mairie de Cornu, M. Prigent, semble nous dire on a été très maltraité quand on a appelé au téléphone. Alors, ce n'est pas l'image de Veolia, vous êtes des gens sérieux. Merci, M. Frérot, de nous aider à régler ce problème. Oui, Yann nous a dit la même chose, que la première fois, il avait été très maltraité. Mais la deuxième fois, en revanche, il a eu un accord beaucoup plus aimable. Hervé Pouchol, essayez d'avoir la direction, s'il vous plaît, de Veolia. Peut-être la communication, quelqu'un qui puisse nous faire vraiment avancer dans ce dossier. D'accord? Ok, mais la personne m'a promis de nous rappeler d'ici 11h. On revient sur Alpha Diallo dans une seconde. Nous allons reprendre ce cas. Le pauvre, sa voiture, il pensait qu'elle allait aller en Afrique et elle était bloquée sur le port d'Anvers pendant un an parce que celui qui devait la faire traverser n'avait pas payé le bateau. Le bateau a dit on n'embarque pas la voiture tant qu'elle Exactement. N'a pas été payée. Alors il a été obligé de payer une deuxième fois pour cette fois-ci pour lui que le bateau puisse prendre sa voiture et il a quand même payé 1723 euros. Qu'est-ce qui se passe, Hervé Pouchol? Moi j'ai le souvenir que quand j'étais parti en duplex, j'avais fait un véritable road trip et visiblement quand je suis arrivé, j'ai fait quand même trois adresses à peu près une centaine de kilomètres ce matin-là. Et après une enquête, je peux vous assurer que le monsieur en question est connu, mais il a disparu de la circulation, il n'est plus à Saint-Ouen-l'Aubin. On va tenter un baroun d'honneur, mais là, je pense qu'Alpha Diallo va devoir aller déposer plainte très rapidement, parce que ça sent pas bon. Alors sa plainte, comment il la déposera? Il rentrera dans un commissariat, s'il a quelques amis, cousins qui jouent de quelques instruments, qu'ils viennent avec, parce que dans les commissariats, on dépose mieux les plaintes comme ça. Sweet, sweet, Alpha Diallo, c'est moi, Alpha Diallo. Bon, alors, je note. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? J'ai laissé la voiture au port d'Anvers. Alpha Diallo. Un an après, on était toujours au même endroit. Alpha Diallo. Attendez, je vais le noter au fur et à mesure. Sweet, sweet, s'il vous plaît, pas trop vite. Alpha Diallo, voilà. Oh, oh. Ça peut faire une scène qui pourrait être filmée, qui c'est une scène culte d'un film. Mais oui. On se retrouve dans une seconde sur RTL. Bonne idée. Décathlon, c'est aussi la joie. Du VTT, profiter à fond de la nature, la campagne, la forêt, la montagne, le grand air quoi. Une randonnée en couple ou avec des potes. Oui, c'est... oui, on a compris. Cet été, retrouvez le VTT mixte Rock Rider 340 tout confort avec suspension et cadre alu léger. Disponible en 4 couleurs à seulement 199 euros chez Décathlon. Chérie. Oui. Est-ce que tu accepterais de venir en vacances avec moi cet été? Oh oui, je le veux. Vous allez faire un heureux pour les vacances d'été. Et oui, du 19 au 30 juin, c'est la promo duo TGV avec 2 billets pour le prix d'un. Faites vite, c'est jusqu'au 30 juin seulement. Offre soumise à condition. Rendez-vous sur Oui SNCF et en agence de voyage agréée SNCF. Supermarché Casino. Rafraîchissez votre été dans votre supermarché Casino. Jusqu'à dimanche, profitez des heures Happy Hours et de 50% de remise en bon d'achat des 2 produits achetés sur les bières et les glaces. Casino, goûtez-moi cette journée. Offre 50% valable du 21 au 24 juin de 10h à midi et à partir de 17h. Hors produit en promo, 1 plus 1 gratuit, 2 plus 2 gratuits avec la carte, 50% sur un produit et offre coupon Casino, c'est max. Bon d'achat valable du lundi 25 juin au dimanche 1er juillet. Hors Corse. Retrouvez la liste des magasins participants sur supercasino.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pour votre santé, bougez plus. Ah, se ressourcer au village. VVF Village. Ici, les clubs sont gratuits pour les enfants, même grands, jusqu'à 17 ans. Cet été, une semaine de vacances pour 4 dans le VVF Village Montchavin à La Plagne, c'est seulement 499 euros. 499 euros pour une semaine au grand air? À ce prix-là, on s'y retrouve. Réservez dès aujourd'hui sur vvfvillage.fr. vvfvillage.fr. Au village. Tarif sous réserve de disponibilité pour 4 personnes en location du 25 août au 1er septembre. VVF Village est une association loi 1901. Ça va être la fête chez Carrefour Market. Eh ben dites donc, on dirait que c'est la fête chez Carrefour Market. Et oui Michel, Carrefour Market fête ses clients. Dès demain et jusqu'à dimanche, le VTT assistance électrique Carrefour revient à 549 euros. Après remise créditée sur le compte de fidélité. Décidément, pour les promos, vous ne manquez jamais d'inspiration. Un VTT assistance électrique qui revient à 549 euros, en voilà une bonne idée cadeau. Carrefour Market. V5500, 27 pouces et demi, 300 euros de remise créditée sur le compte de fidélité. Quantité limitée à 1200 pièces. Modalité et magasin participant sur carrefour.fr. Mercedes-Benz. Alors pour la croisière, nous allons prendre la formule grand confort tout inclus. Très bien. Dans ce cas, vous aurez droit à l'accès illimité à la piscine, au sauna, à MAM, soins à volonté. Et ça inclut les 3 ans de garantie et les 2 entretiens offerts. Pardon ? Tout le monde ne peut pas en faire autant que Mercedes. Du 15 au 30 juin, pendant les journées étoilées, profitez de 3 ans de garantie et 2 entretiens offerts sur toutes les occasions 1000 étoiles. 1000 étoiles, les occasions du réseau Mercedes-Benz. Offre soumise à condition. Détails sur mercedes-benz.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors nous aurions quelqu'un dans le cas d'Alpha Dio, me dit Céline. Nous aurions peut-être cette fameuse société qui avait promis de le rembourser, qui n'a pas envoyé sa voiture, qui restait un an sur un parking à attendre de monter dans le bateau. Il a dû payer une deuxième fois pour qu'elle monte vraiment. Hervé, je vais vous passer un employé de la société qui me dit qu'il a besoin d'un RIP pour régler début juillet. Allez, on y va, c'est parti. Allô, France Fret Express, oui. Bonjour monsieur. Oui. Alors, oui, bonjour monsieur. Monsieur, je suis vraiment navré de vous rappeler encore une fois en direct sur l'antenne d'RTL, mais il faut vraiment maintenant que l'on fasse quelque chose pour Alpha Dio. Est-ce que vous vous rendez compte que sa voiture est restée un an au pied du bateau parce que vous n'aviez pas payé l'armateur? Donc maintenant, vous avez promis... Ah mais si, oui, oui. Ça s'est passé comment alors, monsieur? Ben, c'est parce que lui, il était en déplacement, il avait dit d'attendre avant d'expédier son véhicule. Mais non, donc, pas il n'a pas dit... Non, il a... Est-ce qu'il a dit d'attendre un an, monsieur? Non. Bon, il a... ok. Il avait... Il n'y a pas de bateau tous les jours non plus. Hein. Bon, alors ceci étant dit, on s'est parlé la dernière fois, gentiment, etc. Vous l'avez dit, ok, on comprend, on va le rembourser, on va le faire courant avril. On est en juin, monsieur. Oui, d'accord. Qu'il nous avance en rive, on essaiera de faire un remboursement en début juillet. Bon, alors ça veut dire que, je vous rappelle, début juillet, et est-ce que monsieur Adama Diallo, c'est vous? Non, c'est son assistant. Bon, alors, dites vraiment à monsieur Adama Diallo de France Fret Express qu'il essaie de nous rappeler et faites en sorte que le début juillet, le virement soit fait. On ne va pas revenir toute l'année prochaine sur ce cas, monsieur. Au bout d'un moment, les gens qui vous écoutent, ils doivent en avoir ras-le-bol d'entendre parler de France Fret Express. Ils se disent, on a affaire à des gens qui ne sont pas sérieux. Alors montrez votre sérieux. Non, c'est pas vrai. Mais montrez-nous-le, monsieur, alors dans ces cas-là. J'avais une petite... Qui nous envoie son RIB, puis on fera. Vous l'avez. D'accord. Alpha Dio, vous aviez envoyé un RIB déjà? J'ai envoyé un RIB le 9 février. Voilà, le 9 février, vous l'avez perdu donc? Comment? Il faut nous l'envoyer par mail, monsieur Alphonse. Non, attendez. Il m'a répondu, j'ai bien reçu votre RIB, je vous rembourserai, mais ce ne sera pas la semaine prochaine, car je n'ai pas de fonds disponibles pour la semaine prochaine. Oui, ça c'était en février. Oui, c'est en février. J'ai bien compris, oui. Non, mais là, bon, oui, vous allez, on va laisser une dernière chance à France Fret Express de nous montrer que ce sont des gens sérieux. Pour l'instant, on a quelques petites raisons d'en douter vu la façon dont se passe, mais ça n'engage que moi, dont se passe le dossier. Donc, vous allez envoyer un mail aujourd'hui, Alpha Dayo, par mail. Oui. Et donc, si début juillet, nous, on est encore là, vous n'avez pas été payé, eh bien, on rappellera France Fret Express, on rappellera Dama Diallo, on rappellera que malheureusement, c'est une société où il y a 3 ou 4 adresses. Oui, je voulais demander ce monsieur, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de la société où vous travaillez actuellement ? Ben, on travaille où ? Où ça ? Notre adresse ? Oui. 70 boulevard Anatole France ? Eh ben non. Alors on y a été, au 70 boulevard Anatole France. Qu'avez-vous trouvé, Hervé Pouchol ? Eh ben c'est un immeuble en travaux. Donc il y a absolument... Et il est fermé, ben cet non, immeuble. L'immeuble n'est pas en travaux. Vous savez quoi ? On va y retourner. Donc si je vais demain au 70, si j'envoie quelqu'un... on est quoi, vendredi ? Si j'envoie quelqu'un lundi matin au 70 boulevard Anatole France, je vais trouver quelqu'un. Ah, bien sûr. Ah. Bon, on va tenter. Lundi matin, vous y allez. Lundi matin, nous allons voir s'il y a vraiment quelqu'un. Parce que quand il y a été, c'était un immeuble en travaux. Ouais. Mais peut-être que les travaux ont été très bien. Non, l'immeuble n'est pas en travaux. Ok, eh ben... Bref, eh ben, vous savez quoi, lundi, écoutez-moi, lundi, il vous porte en main propre le RIB. Il va nous l'envoyer à nous par mail. Il vous le porte 70 boulevard Anatole France. Ok, pas de problème. Allez, ça marche, on fait ça. On se retrouve dans une seconde sur RTL. Je pense que nous allons pouvoir bientôt régler le problème de la dette énergétique de la France. Car dans ce dossier, c'est du pétrole qui va jaillir. Bon, maintenant, hein, c'est bientôt l'heure de ma pause déjeuner. Et s'il vous plaît, je vous le dis à vous tous, j'aimerais bien déjeuner en paix. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je regarde sur la chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mon reste, où qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets. C'est Stéphane Echard sur RTL. En ce qui concerne la facture d'eau que Veolia demande à... comment s'appelle-t-il ? À notre ami... voilà, et bien, je viens de tomber sur une info qui date de 18h qui est sortie sur Le Point. Veolia, deux points, une militante CGT a vidé les caisses du comité d'entreprise. Les impayés s'élèveraient à 1,5 million d'euros. C'est peut-être pour ça qu'on lui demande de payer aujourd'hui pour rembourser. Voilà. Voilà, c'est peut-être une explication. Bon, mes amis, c'était une très très belle émission. On a beaucoup bougé. Et maintenant, il est grand temps de rire car c'est le week-end. Ce soir, je suis dans la Marne à Bisseuil, dimanche soir à Marseille au Palais Longchamp, spectacle gratuit. RTL. Une question à Didier Tabary, président de Philorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée qu'une injection en cabinet médical ? Eh bien, chez Philorga, nous avons réussi pour la première fois à concentrer l'équivalent d'une méso-injection dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche ? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCTF Reverse, nous traitons rides, éclats et fermeté avec une efficacité visible dès 7 jours. NCTF Reverse de Philorga, la crème anti-âge concentrée comme une méso-injection. Efficace dès 7 jours. Détails de l'étude sur philorga.com. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalités en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. Si votre entourage vous trouve invivable, si vous ne supportez plus la sonnerie de votre réveil, si vous ne savez pas à quand remonte l'achat de votre matelas, c'est qu'il est temps de changer de literie. En ce moment, l'espace Topair vous propose toutes les grandes marques de literie, Bultex, Treka, Simons, Tempur, Epeda, à des conditions exceptionnelles. Alors pourquoi attendre plus longtemps ? Espace Topair Rive Gauche, 66 rue de la Convention, Paris 15e. Espace Topair Rive Droite, 56 cours de Vincennes, Paris 12e. Topair.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Rebondissement de dernière minute dans l'histoire Veolia du terrain. A priori, le maire est en ligne avec vous et aurait une info comme quoi Veolia se serait trompé de RIB pour le remboursement. Exactement, c'est ce qu'il vient de m'annoncer. Bon, écoutez, il faut qu'il rectifie. Donc, on rappelle Veolia lundi ou mardi sur l'antenne d'RTL pour qu'ils envoient l'argent à ce monsieur. Et puis, bon week-end à celui qui a touché 1000 euros sans rien demander, qui est en train de faire la fiesta mexicana. Allez les Bleus, allez la France. Bon week-end à vous tous, Stéphane.